Vas-y, ok. Ok. Frère de la rue charismatique. La polémique. 9-1-9-3. Gire. Y'a plus d'amour. Y'a trop de haine, ouais. Trop de j'aime ça. Ça nous gêne. On veut causer avec trop de guerre, ouais. Vas-y, malmène un de mes frères, négro, je m'en mêle, ouais. Frère de la rue, on est trop soudés. La polémique, c'est vénère, ouais. Mais trop de rancaine, trop de faux frères dans nos rues, t'as vu. Trop de route de secours en manque de paye, ouais. Trop de coups de base en haut dans nos pattes, c'est as. Les vieux coups que l'on se compare. Trop de vieilles parties de jeu, trop de vieilles bois. Ma foi, la foi, des fois je m'en bats, ouais. Je suis vert, jaune, rouge, donc je hal. Thématical, 9-1-9-3, hey, connard. 12 tranches en beat, sanglant, une voix qui passe crème. J'prends de l'élan pour tirer un grand coup dans le rap game. Flow style, grosse basse, SY, ça mène. Épauler des frères de la hure que de la mauvaise grève. Instru cardiaque, j'arrive en flow casse payé. Aère le game car ça sent la chatte à planer. La POLEMIC, car la frime qu'à la télé. T'es des gros meufs en l'aise car ne faut que nous harceler. La vérité va éclater comme les dossiers d'une tasse. J'suis en route vers la victoire, regarde dans le même aspect. Je slash le beat, pas le temps de plagier. Aucune surenchère, puis son frère qu'on plongeait. Check. J'garde l'amour pour les lover, j'garde l'amour pour les lover. Les lover, une fois que ça frappe dans le crâne, tu te relèves plus. Les lover ont pris le dessus, comme un mec excité, en relevé, liquidé dans le dessus. Chose qu'elle qui frappe, j'ai le syndrome. J'vois les lover et le trône. La minute, la seconde où ça braque pour sa part. J'veux ma part parmi tant d'autres. Autour des immeubles, y'a du trafic. Pour une part de lover, pour toutes sortes de trafic. Où tu fais le trafic en banlieue. C'est les lover qui t'ont eu à quitter la banlieue. C'est les lover qui t'ont eu à quitter la banlieue. L'épisode apocalyptique d'une jeunesse qui déconne. Vend sa poisse comme un chat noir au gosse depuis que la rue à son école. Et ses rats marrés dans les têtes, dans les tests. Baigné par la mer, tu m'adjoles la nuit seule, je tourne en caisse. Naufragé, si t'es mort, si t'attends de l'aide. Au tribunal de grande instance, c'est chaotique quand les juges plaident. Bousillé, on veut tous partir, même au rap. Mais on t'oubliera, c'est qu'un nom de plus sur un mémorial. L'espérance de vie d'une partie de roulette russe. Tu galères tête baissée en écoute dans les bacs, les gaufres, les abribus. C'est pas why mon peu surf sur internet. Deviens paro, j'ai autant de chances de mourir jeune que de finir interné. Viens voir la misère, que des vins eux bien viscères. C'est que t'es plus proche d'une balle dans le dos d'un ulcère. Si c'est du seum gras, je te sers pas plus de 25 grammes. Et nos remparts sont pas venus ici pour faire des gosses ingrats. On te lâche pas si t'as des gros seins comme Sandra. Pas qu'on s'en tient, moi je pense juste pour que mon son me ressemble gras. Par habitude, je rappe sale sur un son crade. Pourquoi il garde son calme? C'est qu'il a un poiser dans le son calme. Demande au camara, j'ai traîné comme un rat. Pour que l'auditeur écoute, kiffe ça et sniffe ça comme un rail. J'suis désolé, mais moi, mon rap n'est pas fictif. Il va de Dakar à Sétif et souffre d'un gros manque affectif. La gueule, pas la frère, on fait pas dans le sentimental. Éprouvé par nos vies, tu le sens quand on en parle. Bouge pas, reste bouge bénégro. Debout, tout doit être dans ce morceau, on s'entraide, ouais. J'ai la maladie du ghetto, chaque jour je crache du béton. Pendant que l'état me guette, sans cesse comme un maton. Maintenant, style hostile qui t'envoie à l'auto. Crois que le street hostile, elle en fout si t'es costaud. Enfant dans ta, peu importe pour une tasse. Mais un pote, j'aille dans un palace. Si je pète le jackpot à la conquête, tu dis pas. De la médaille de bronze, check 93, vite 91 comme la Bresse. C'est chaud. On sèche, sachez qu'à la tête, 12 ans tout s'achète. C'est les frères de la rue et la polémique. J'rappe depuis le collège, ça c'est l'amour pour le mec.